السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Dans des cours passés, nous avons mentionné le sujet de la prière de nuit, son grand mérite et sa grande valeur en islam. Que soit la prière de nuit de manière générale ou Salatul Tarawih durant les nuits du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de Salatul Witr, de la prière du Witr et des règles relatives à celle-ci. Le Witr, comme beaucoup doivent le savoir, ça signifie impair. Donc, que soit le chiffre 1, le chiffre 3, le chiffre 5, ou 7, ou 9, ou autre. Donc, mais ce qui est voulu ici, c'est Salatun tuf'alu bayna salatil isha wa tulu'il fajr. C'est une prière qui est accomplie après la prière obligatoire du isha, mais avant la prière obligatoire du fajr, ou bien le subh tout court, l'arrivée de l'aube. C'est une prière qui se prie entre la prière obligatoire du Isha et l'apparition de l'aube. Et on l'a appelé Al-Witr parce que le nombre de raka'ah est impair. Comme on l'étudiera, ça peut être une unité, ça peut être trois, ça peut être cinq, et ça peut être plus que cela. La première question, le premier point à mentionner, c'est Fadlu Salatil Witr, le mérite de la prière du Witr. Le mérite de la prière du Witr. Et à cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah maddakum bi salatin hiya khayrun lakum min humrin na'am. Allah vous a ajouté une prière qui est meilleure que les chamelles rousses. قلنا يا رسول الله ما هي نودي مو مساج الله كيف هي cette prière قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر le witr à faire entre la prière du Isha et l'apparition de l'aube apportée par l'imam Ahmed Abu Daoud et Tirmidhi rahmatullahi alayhim. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam dans plusieurs hadiths nous a demandé de prier la prière du witr et a montré qu'Allah Azza wa Jal aimait cette prière. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, comme dans le hadith de Ali, radiallahu an, Al-witru laysa bihatmin ka salatikum al-maktouba, walakin sanna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, فقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. علي بن أبي طالب رضي الله عنه dit le witr n'est pas une prière obligatoire, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré cette sunnah et a dit certes Allah est witr, c'est-à-dire qu'il est unique. فأوتروا, accomplissez donc la prière du witr. Ya Ahl al-Qur'an, ô vous les adeptes du Qur'an. Ô vous les adeptes du Qur'an, apporté par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres. Rahmatullahi alayhim. Donc, voici une prière qu'Allah Azza wa Jal nous a légiférée, que le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseignée. Salatu al-Witr. Quel est le jugement de la prière du Witr? Deuxièmement, quel est le jugement de la prière du witr? La prière du witr est une sunnah mu'akkada. C'est-à-dire que ça n'est pas une obligation, mais il ne convient pas de la délaisser sans excuse. Il faut l'accomplir encore et toujours et ne jamais l'abandonner. Même si elle n'est pas obligatoire, c'est détestable de ne pas l'accomplir. C'est détestable de ne pas l'accomplir. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Ceci est l'avis de la majorité des savants. Pour preuve, dans le hadith de Talha ibn Ubaidillah, radiallahu anhum, un bédouin est venu à demander au prophète, alayhi salat wa salam, « Ma faradallahu alayhi minas salah, que m'a ordonné Allah comme, que m'a rendu obligatoire Allah comme prière ?» Le prophète, alayhi salat wa salam, lui a dit « Khamsu salawatin ». فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a enseigné que Allah lui a ordonné 5 prières. L'homme a dit est-ce que je dois faire plus que cela? Il lui a dit non, sauf si tu veux faire plus volontairement. Non, sauf si tu veux faire plus volontairement. Rapporté par l'imam al-Bukhari et ainsi que l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Donc le jugement de cette prière, naam, le jugement de cette prière est que c'est recommandé. Et que c'est qu'elle est recommandée. Ceci est l'avis prépondérant. Quant au fait de son délaissement, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala disait Man taraka al-witr fahuwa rajulun su'. Celui qui délaisse la prière du witr, qui l'abandonne, c'est une mauvaise parole. C'est une mauvaise personne. Donc on retient que le witr n'est pas une obligation. Ceci dit, il ne convient pas de l'abandonner. L'imam Ahmed allait jusqu'à dire L'an barian tuqbala shahadatu. Il ne convient pas d'accepter le témoignage de celui qui délaisse le witr de manière générale. Donc c'est une sunnah mu'akkada. C'est une sunnah, une action méritoire et recommandée qu'on a fortement appuyée dans les textes. Le troisième point, waqtu salati al-witr. Le temps de la prière du witr. Le temps de la prière du witr est de après, commence après la prière du Isha, et s'étend jusqu'à l'apparition de l'aube. Et ceci est l'avis des savants. Ceci est l'avis de nos savants. Ceci dit, le meilleur moment est à la fin de la nuit. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous a montré que la prière de nuit commence après l'Isha et s'étend jusqu'au Fajr. Naam. Mais il a recommandé à ceux qui étaient sûrs d'eux pour pouvoir se lever, ou pensaient être sûrs d'eux pour pouvoir se lever à la fin de la nuit, il leur a recommandé de laisser le witr à la fin de la nuit. Dans le hadith de Jabir radiallahu anhuma, rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salat wa salam a dit Man khafa an la yaquma min akhir al-layl falyutir awwala. Celui qui craint de ne pas se lever à la fin de la nuit, qu'il fasse le witr au début de la nuit. Wa man tami'a yaquma akhirah falyutir akhir al-layl. Quant à celui qui espère se lever à la fin de la nuit, qu'il fasse le witr à la fin de la nuit. Fa inna salata akhir al-layl mashhudatun wa dhalika afdal. Car la prière à la fin de la nuit est témoignée. Et ceci est meilleur. Donc, le temps du witr est d'après la prière obligatoire du Isha jusqu'à l'aube. Mais le meilleur moment pour prier le witr, c'est à la fin de la nuit. Ainsi, quand est-ce que s'arrête? Quand est-ce qu'on ne prie plus la prière du witr? Est-ce que c'est au adhan du fajr? Est-ce que c'est à la prière du fajr? Ou dès que le temps du fajr entre, on ne peut plus prier le witr? Les savants divergent sur ce point-là. Et certains disent qu'une fois le temps du fajr entré, tu ne peux plus prier le witr. Mais ce que tu devras faire, c'est prier après le lever du soleil et en ajoutant une raka'a pour que ça ne soit plus witr mais shafa'a, pour que ça ne soit plus un père mais une prière père. Et il y a deux conditions à cela. Je répète, celui qui a raté la prière du witr et qui souhaite rattraper le witr pourra le faire après le lever du soleil. Mais il y a deux conditions. La première, c'est qu'il fasse partie des adeptes du witr. C'est-à-dire que c'est une prière qu'il fait habituellement, mais que là, il l'a ratée. Là, il l'a ratée suite à un impondérant, suite à une mada, une panne d'oreiller, suite à un oubli, suite à une raison quelconque. Donc, c'est un habitué de la prière du witr. La deuxième condition, c'est qu'il ne va pas la faire mada witr mais shafa'an. Il ne va pas la prier de manière impaire, mais il va la prier de manière paire. Plutôt trois conditions. Et la troisième, c'est qu'il faut que ce soit dans le jour qui suit avant le zénith. Il faut que ce soit dans le jour qui suit, pas le surlendemain. Donc il peut rattraper le witr de cette manière-là. Certains savants ont même dit, en réalité, ce n'est pas le witr qu'il prie, mais il fait une prière parce qu'il a raté le witr. Il fait une autre prière parce qu'il a raté le witr. D'autres parmi nos savants disent, même s'il craint le fajr et qu'il pense que le fajr est entré, il peut accomplir le witr. Il fait une raka'a. Il fait une raka'a. Naam. Même si les textes, yani, ce qui est apparent des textes, c'est plutôt de rattraper, mais après le lever du soleil. Après le lever du soleil. Barakallahu fikum. Car le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a dit, awitiru qablan tusbihu. Faites le witr avant d'arriver au subah. Naam. Et dans le hadith qu'on a vu, salluha bayna al-isha wa tulu'i al-fajr. Priez le witr après la prière du isha, jusqu'à l'apparition de l'aube. Jusqu'à l'apparition de l'aube. Aïcha radiallahu anha nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iza ghalabahu nawmun aw waja', ou plutôt Aïcha nous dit, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, yani kana iza ghalabahu nawmun aw waja', lorsque le prophète sallam Mada s'endormait, Naam, ou bien ne se réveillait pas, ou était souffrant, ainsi il ne priait pas, il n'avait pas prié le witr, Naam, il n'avait pas prié le witr, ou bien la nuit. Salla min al-nahar, thintay ashra taraka'a. Il priait 12 unités le jour. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le witr, il faisait ces prières-là de manière impaire. De manière impaire. La question suivante. Pouvons-nous prier le witr avant la prière du Isha, entre le Maghrib et le Isha? Est-ce qu'on peut prier le witr entre le Maghrib et le Isha? Cette question-là a été posée à l'Ejnatu Da'im, à l'Assemblée des Grands Savants, et la réponse fut Waqtu salat al-witr ba'da salat al-Isha ila tulu'il fajr. Non, la prière du witr a pourtant, après la prière du Isha, jusqu'à l'apparition de l'aube. Une autre question qui pourrait se poser, dans le cas où la personne est en train de prier le witr et qu'il y a l'adhan, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans sa première raka'a, où elle compte faire le witr en une raka'a, elle entend l'adhan. Est-ce qu'elle coupe sa prière? Est-ce qu'elle sort de la prière ou non? Non. La question a été posée à Ibn Asaymin rahimahullahu ta'ala, qui a dit, il poursuit sa prière et il n'y a pas de mal dans cela. Il n'y a pas de mal dans cela. Passons à la huitième question. كم أو كم عدد ركعات الوتر le nombre d'unités de prière du witr. La réponse أقلها ركعة واحدة. Le minimum pour la prière du witr, c'est une seule unité de prière. C'est une seule unité de prière. Car le prophète alayhi salat wa salam, à celui qui l'a questionné sur la prière de nuit, il lui a dit maintenant, maintenant, fais-les de deux en deux. Et lorsque tu crains l'apparition de l'aube, fais une seule unité. Ça, c'est le witr. Ça, c'est le witr. Une fois, yani lorsque tu crains l'apparition de l'aube, fais une seule unité. Donc le minimum, c'est une unité de prière. Fa'autir biwahida. Dans le hadith rapporté par al-Bukhari, ainsi que l'imam muslim, le prophète alayhi salat wa salam a dit au sahabi, c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar, lorsque l'homme l'a questionné comment je prie la prière de nuit, il a dit maintenant, de deux en deux. Fa'idha khifta subh, lorsque tu crains l'arrivée du matin ou de l'aube, fa'autir biwahida, fais une unité de prière. Fais une unité de prière. Donc le minimum, c'est une unité de prière. Quant au maximum, certains savants ont dit 11 unités de prière. Et d'autres ont dit 13. D'autres ont dit 13. Par rapport au hadith de Ummi Salama radiallahu anha, 11 c'est connu. Aïcha a dit, le prophète n'a jamais dépassé 11 unités, que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Mais il y a également le hadith de Ummu Salama radiallahu anha qui dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yutiru bi thalathi asharata raka'a. Bi thalathi asharata raka'a. Le prophète sallam faisait le witr en priant 13 unités de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le witr en faisant 13 unités de prière. Ce hadith est rapporté dans Al-Mustadrak à la Sahihay et il est sur les conditions de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim. Donc, le minimum, c'est une unité. Et le maximum, c'est 11 ou 13. C'est 11 ou 13. Néanmoins, pour celui qui veut faire une seule, le mieux, c'est qu'il fasse deux raka'a avant. Il fait deux unités, il fait le taslim. Ensuite, il fait le witr en une unité. Ça, c'est meilleur que de faire qu'une seule. C'est meilleur que de faire une seule unité de prière. Maintenant, la description de la prière du witr. La description de la prière du witr. Si la personne souhaite faire trois unités de prière, on lui dit qu'il y a deux manières. La première, fait deux unités de prière, puis fait le taslim. Ensuite, fait une unité de prière et fait le taslim. Ça, c'est la meilleure façon lorsque tu veux faire trois. La deuxième manière, c'est d'enchaîner les trois unités de prière et de finir avec une assise avec le tashahud, avec salat al-ibrahimiyya et le taslimatan. Donc tu pries pas comme le maghrib. Non. Tu fais une première raka'a, puis une deuxième raka'a, puis une troisième raka'a. Et après tout cela seulement, tu fais le tashahud, salat al-ibrahimiyya et taslimatan. Quant au fait de prier comme le maghrib, il ne faut pas faire de la sorte. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a jamais enseigné à faire ainsi. Ibn Uthaymeen disait, c'est interdit de faire de la sorte. Car il y a un texte, Allahu alam, l'authenticité du texte qui dit de ne pas prier comme le maghrib. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Il ne nous a pas dit de le faire, donc il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ça, c'est pour celui qui veut faire trois unités de prière. Sinon, sachez qu'on peut faire le witr avec 5 unités de prière, on peut faire le witr avec 7 unités de prière, on peut faire le witr avec 9 unités de prière, avec 11 unités de prière, et il y a un hadith qui dit 13. Puis, sur la manière de faire, il y a avec al-fasl ou abiduni fasl. En faisant tashahud au bout de 2 unités de prière, ou bien en enchaînant tout et en faisant une seule fois le tashahud, salat ibrahimi al-taslimatan. Donc, tu as le droit d'enchaîner les raka'at et de faire le taslim à la fin. Et la preuve de cela, c'est que Aïcha radiallahu anha nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة وأنا في البيت فيفصل يفصل أو يفصل نعم يفصل عن الشفع والوتر بتسليم يسمعنا. Donc ça, c'est la méthode du fasl. Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam séparait le witr de 2 unités de prière qu'il faisait avant en faisant le taslim qu'il nous faisait entendre. Donc tu fais 2, tu fais le taslim, puis tu fais 1. L'autre méthode, ou plutôt l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier après l'Isha jusqu'au Fajr, yani entre l'Isha et le Fajr, 11 raka'a, 11 unités. Yusallim bayna kulli raka'atayn wa yutir bi wahida. Il faisait le taslim après 2 unités de prière à chaque fois, et il faisait le witr ensuite une seule raka'a. Maintenant, on va mentionner al-wasl, yani la méthode où on enchaîne les raka'at et on fait un taslim à la fin. On fait un taslim à la fin. Le premier cas, avec 3 raka'at, on l'a expliqué. Le deuxième cas, c'est 5 raka'at. Soit tu fais 2 taslim, puis tu fais 2, tu fais le taslim, puis tu fais 1. Soit tu fais les 5 d'affilée. Et ce qu'on vient de dire pour 5, c'est la même chose pour 7, c'est la même chose pour 9, c'est la même chose pour 11. C'est la même chose pour 11. Donc le tout est permis. Maintenant, quel est le meilleur à faire? Quant à la régularité, le meilleur, c'est de faire plusieurs taslim, c'est-à-dire elle fasle, de séparer entre la dernière unité et les prières précédentes. Pourquoi? Parce que il y aura plus de lecture du Coran, il y aura plus de recours, il y aura plus de soujoud, il y aura plus de zikr, et ainsi de suite. Deuxièmement, parce que c'est ce qu'a fait le plus le prophète alayhi salatu wassalam, et ce qu'ont fait le plus les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, pour mettre en pratique la sunna, la revivifier, la faire connaître aux gens, c'est bien de temps à autre de faire les autres méthodes. Et une remarque, il faut prendre en considération ceux qui prient avec vous. Barakallahu fikum. Passons au point suivant, qui est la récitation. Comme vous le savez, l'obligation, le pilier, c'est la lecture d'Al-Fatiha. Et tout ce que vous récitez en plus d'Al-Fatiha, c'est recommandé, non obligatoire. Après avoir compris cela, qu'est-ce qui est le mieux de réciter? Le mieux, c'est de faire ce que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Dans la première raka'a, après le Fatiha, tu récites « Sabbih isma rabbika al-a'la ». Dans la deuxième raka'a, après le Fatiha, tu récites « Qul ya ayyuha al-kafirun ». Et dans la troisième, ou bien dans le witr, la dernière, Après le Fatiha, tu récites Qul huwallahu ahad. Naam. Et ceci est recommandé, même si ça n'est pas obligatoire. Ceci est recommandé, même si ça n'est pas obligatoire. Une remarque, certains parmi les savants disent que ce qui est le plus méritoire est de réciter après Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, d'ajouter al-mu'awidhatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et ça, c'est l'avis de Malikiya de Shafi'iyya. Si ce n'est que le texte relatif à ça, na'am, comporte une faiblesse. Donc, le mieux est de se restreindre à Suratul Ikhlas. Mais il n'y a pas de mal à ajouter. Il n'y a pas de mal à ajouter. Barakallahu fikum, parce que dans la prière de nuit, on peut réciter ce que l'on veut. Dans la prière, on peut réciter ce que l'on veut. La question suivante, le jugement de la prière du witr en groupe. Il y a deux volets. Le premier, pendant le mois de Ramadan dans Salat al-Tarawih. Le second, en dehors du mois de Ramadan. Pour ce qui est du mois de Ramadan, la prière de nuit en groupe est meilleure. Et la prière du witr en groupe est meilleure. En dehors du mois de Ramadan, le fait de prier de nuit de temps à autre, c'est une bonne chose. Yani en groupe. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, priait seul de nuit. Mais des fois, Abdullah ibn Abbas est venu, il a prié avec lui. Des fois, son épouse a prié avec lui. Des fois, son épouse plus Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum ont prié avec lui. Et Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a répondu à cette question. الشفع والوتر والتهجد تجوز في الجماعة أحيانا لا دائما. Ibn Uthaymin a dit de prier la nuit et de prier le witr, c'est permis de le faire en groupe, de temps à autre, pas tout le temps. Dans Majmu' al-Fatawa d'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc le witr, pendant Ramadan, on le prie en groupe. Et en dehors du mois de Ramadan, si on est amené à prier de nuit et que des gens se joignent à nous, on le fera. Sinon, il ne faut pas prendre cette habitude de faire le witr en groupe. Naam, que de temps à autre. Et c'est aussi la fatwa de l'ajnat da'ima, de l'ajnatud da'ima. Certains pourraient se dire, on va se réunir dans l'année pour prier le witr en groupe. Est-ce que c'est une bonne chose? L'ajnatud da'ima a répondu à cette question et a dit que ça n'était pas permis de faire cela. C'est-à-dire que ça n'est pas légiféré. La question suivante, si le soleil est en train de se lever, est-ce qu'on peut rattraper le witr? C'est un moment où il est interdit de prier, si ce n'est une prière obligatoire. Donc, il devra attendre que le soleil se lève à distance d'une lance, à hauteur d'une lance, comme c'est venu dans le hadith, et seulement après, il pourra prier en ajoutant une unité pour que ce soit pair, comme nous l'avons déjà mentionné. Une question qui se pose beaucoup les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Quel est le jugement de prier deux witr dans une seule nuit? Ibn Baz rahimahullah ta'ala a répondu à cette question en disant: La yanbari li ahadin an yusalli witrayn fi layla لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. Il ne convient pas, il ne faut pas, il ne convient pas de prier deux witr dans une seule nuit. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas deux, le chiffre de witr dans une seule nuit. Dans une seule nuit. Donc que faire? Est-ce que ça veut dire qu'après avoir fait le witr, c'est interdit de prier? Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que si tu as fait le witr pensant que tu n'allais pas te lever pour prier, et qu'Allah Azzawajal te facilite, et que tu te lèves, prie, mais n'ajoute pas un deuxième witr à la fin de ta prière. N'ajoute pas un deuxième witr à la fin de ta prière. Cela nous amène à une autre question. Est-ce que c'est permis de prier après le witr? La sunna, c'est de faire le witr lorsque tu penses que tu ne vas plus prier après. Et dans le cas où malgré tout, tu te réveilles avant, sache que le prophète, alayhi salatu wassalam, a déjà fait deux unités de prière après le witr. Donc, prie le witr pour clôturer tes prières de nuit. Et si jamais tu te lèves avant, fais deux unités de prière. Et sache que la palette d'adoration et de servitude est vaste. Tu peux lire le Coran, tu peux faire l'istighfar, tu peux faire dua. Il y a beaucoup de bien à faire. Une question, même si elle nous arrive rarement, mais pour ceux qui voyagent, pour ceux qui sont malades, ça peut être très profitable de savoir cela. Quelle est cette question ? Mata tusalli al-witr idha jama'ta bayna al-maghrib wal-isha jam'a taqdim. Quand est-ce que tu prieras la prière du witr si tu as joint entre le maghrib et l'isha à l'heure du maghrib? Est-ce que tu peux prier juste après alors que le temps du isha en réalité n'est pas encore entré? Ou est-ce que tu devras attendre que le temps du Isha entre pour pouvoir prier le witr, sachant que tu as déjà fait le Isha au temps du Maghrib? Parce que tu es en voyage ou parce que tu es malade, tu as une excuse. Les savants ont divergé à ce sujet. Beaucoup disent qu'il faut attendre le temps du Isha pour pouvoir prier le witr, si tu as joint entre le Maghrib et l'Isha au temps du Maghrib parce qu'il pleuvait, par exemple. Mais lorsque c'est la maladie, lorsqu'il y a une lourdeur, beaucoup de savants disent que tu peux le faire même juste après avoir pris l'Isha dans le temps du Maghrib. Et ça, c'est la fatwa de Lajnatud Da'im. Yajouz, eux disent que c'est permis. À partir du moment où tu as l'excuse pour joindre, tu as l'excuse pour prier le witr avant l'heure également. Mais, ils disent également que si tu peux le retarder, c'est meilleur. Si tu as la capacité. La question suivante, c'est le jugement de la prière du witr pour le voyageur. Beaucoup de savants disent qu'en voyage, on délaisse les nawafil muqayyada. On délaisse les 12 ou les 10 unités de prière auxquelles sont rattachées une maison au paradis pour celui qui les préserve. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ne délaissait pas la prière du witr ni la sunna du fajr. Ni la sunna du Fajr. La grande question, Al-Qunut, plutôt, avec un ta, non pas un ta, qui signifie le désespoir sur ce qui est interdit. Donc, le jugement de la dua du Qunut dans le Witr, c'est une sunna. c'est une sunnah de la faire, mais de la délaisser également de temps à autre. Que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Par contre, à la prière du Fajr, ce qu'on peut trouver dans certaines mosquées, où certains ont eu l'habitude de voir ça, dans certains endroits, ça ne se fait que lors de ce qu'on appelle un nawazil, lors de grandes afflictions touchant la communauté. Ça, et c'est lorsqu'on se relève du ruku', et non pas avant. Non pas avant. Quant aux invocations, la sunna est que ce soit court. Et il n'y a pas de mal à ajouter à ce que le prophète a mentionné, mais sans que ce soit long. Parmi les bonnes paroles. De préférence, min jawami' al-kalim, wa min ad'iyati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tu peux lever les mains, parce que c'est une sunna générale, que ce soit pour le qunut ou que ce soit de manière générale lors de dua, à part le vendredi durant la khutbah et à part après ma'adha, la prière obligatoire. Et ça, c'est la fatwa de l'ajnatud da'ima. Donc je répète, dua al-qunut se fait après le ruku', avant de descendre en sujoud. Pour finir, est-ce qu'après dua al-qunut on s'essuie le visage? Certains, après avoir fait dua, s'essuient le visage. Naam, s'essuie le visage. Ceci ne fait pas partie des choses qui nous sont légiférées. Ça ne fait pas partie de la sunna. Ça ne fait pas partie de la sunna. Ça se fait lorsqu'on fait ruqya, mais pas lorsqu'on fait ad-du'a ni al-qunut. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis comme règle relative au à la prière du witr, et on se rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah witrun yuhibbul witr. Certes, Allah est witr et il aime le witr. Ici, il y a un encouragement à faire la prière du witr parce que Allah azza wa jal aime cela. Allah subhanahu wa ta'ala aime la prière du witr, particulièrement pour ceux qui étudient, pour ceux qui lisent le Coran, pour ceux qui connaissent l'islam. Ya ahl al-Quran, awtiru, fa inna Allah witrun yuhibbul witr. Oh, vous les adeptes du Coran, accomplissez la prière du witr. Car certes, Allah est witr, il aime le witr. Allah est witr, c'est-à-dire qu'il est unique, il a la perfection absolue, le seul qui mérite entièrement, le seul qui mérite l'adoration. Le seul qui mérite l'adoration. Ce hadith est dans le recueil d'Imam Abu Daoud, rahimahullahu ta'ala, et d'autres. Donc, on se conseille mutuellement la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et de préserver cette prière, de l'enseigner à nos proches et de les encourager à l'accomplir. Hadha wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.